Chapitre 14. Le navire voguait déjà lorsqu'ils s'éveillèrent. Harmonie enfila son peignoir et passa directement sur son balcon. Son petit déjeuner venait d'être servi. Un pot de lait, du chocolat, des croissants chauds, une omelette, un assortiment de charcuteries italiennes et une magnifique rose rouge. Elle paraissa une bonne partie de la matinée, humant goulûment l'air marin. Le soleil faisait resplendir la mer en un miroitement d'un bleu profond. Elle aurait voulu ne jamais quitter le bateau. Mais une croisière devait tôt ou tard se terminer, et la sienne, grâce au mariage, était rallongée de quelques jours. Où allait-on? Jérémie n'avait pas ouvert la bouche, pas un mot, pas le moindre indice. Elle se promit d'essayer d'en savoir un peu plus en discutant avec Ronnie. Elle prit une douche, puis s'habilla d'un combi-short. Elle voulait aujourd'hui se vautrer sur un transat et n'en pas bouger d'un pouce. Elle devait juste passer à la joaillerie pour choisir le cadeau de Jérémie. Elle le lui donnerait le soir de leur nuit de noces. Il fallait qu'elle le fasse préparer. Jérémie s'étira, regarda son réveil et se précipita sous la douche. Il avait déjà 15 minutes de retard et n'avait rien dans le ventre. Ron, sur le balcon, le regardait s'affairer en souriant. « Tu vas faire des bêtises, » lui dit-il en le voyant se servir du café et se coiffer en même temps. « Tu apprendras que ton paternel sait faire plusieurs choses. » Il grogna soudain en sentant la chaleur du café se répandre sur son t-shirt. « Shit !»« Comment ? Que disais-tu ? » « Il me semble avoir entendu. » Jérémy lui coupa la parole. « Je suis nerveux et ça explique ma maladresse, voilà tout. »« Mais bien sûr. Au fait, quand dois-je tenir compagnie à ma future belle-maman ?» « Ça fait bizarre de t'entendre dire ça. »« Oui, tu as raison, à moi aussi. »« Bon, je vais faire un compromis. Je l'appellerai Harmonie. »« Cela me paraît correct. »« Tu iras quand tu voudras. » Elle m'a spécifié qu'elle serait sur le pont promenade côté poupe. « C'est évident. L'autre côté, avec la piscine, n'est pas idéal pour se reposer. »« Et avec tout ce que vous avez fait hier, la pauvre doit encore être épuisée. »« Serait-ce une critique, mon cher fils ? Tu la défends déjà ?» Je plaisantais. Je voulais savoir jusqu'à quel point tu étais jaloux. De toi, tu plaisantes. Certes, mais si oncle Jason la voit... Tais-toi, rabat-joie. Je lui ai déjà dit que si jamais il en tombait amoureux, je le jetais au poisson. Voilà qui réglerait la question. Un peu trop expéditif, me semble-t-il. Tu crois? Oui, tu as raison. Cessons ce bavardage oisif. Il faut que j'aille voir le cuisinier avec tout ce que j'ai acheté pour voir ce qu'il me propose. Ensuite, il y aura la décoration de la salle. « Bon, alors qu'attends-tu » Jérémy attrapa son fils et lui savonna la tête. Devant ses supplications, il s'arrêta. « Tu es peut-être aussi grand que moi, mais je suis encore le plus fort. »« Cela viendra bien un jour, » marmonna ce dernier. « Certainement, mais en attendant, méfie-toi. File !» Jérémy se sauva en riant à toute tête. Ronnie n'avait guère revu son père aussi heureux depuis des années. Sa mère était volage. Elle aimait deux choses dans la vie, faire les boutiques et les hommes plus jeunes et riches. Pour lui, son père avait toujours été présent, surtout dans les moments les plus primordiaux. Sa mère les avait laissés sans aucun remords du jour au lendemain. Le jeune garçon se leva, posa un pull léger sur ses épaules et prit le chemin de la poupe. Il aimait déjà Harmonie. Elle était douce et bien que peu démonstrative, elle montrait qu'elle était aimante et complètement désintéressée. Elle lui plaisait. Et il espérait que lui aussi un jour pourrait rencontrer le grand amour, ce qui, pour le moment, n'en prenait guère le chemin. Il décida de faire un petit détour. Il la vit immédiatement, un chapeau de paille gigantesque la protégeant de l'astre brûlant. Il se dépêcha. « Harmonie, bonjour. Une petite glace italienne ? Rhum raisin, si je me souviens bien, » dit-il en lui tendant un cornet. « Oh, Ron, tu es un amour !» Merci, assieds-toi. J'ai gardé ce transat précieusement rien que pour toi. Oups, ça dégouline. Ils se régalèrent en regardant les gens passer. Ici, c'était plutôt des couples d'un certain âge, les plus jeunes s'amusant dans la piscine. Ah, je parie que ton père est très occupé. Cela me désole de ne pouvoir l'aider. Si seulement je savais ce qu'il a en tête. Non, tu dois rester tranquille. Je me ferais tuer si je te disais ne serait-ce que ce qu'il fait aujourd'hui. Tu ne sais pas non plus où va ce navire, évidemment. Oui, je le sais, mais Motus, j'ai promis. Alors, si tu as promis, c'est différent. Dis-moi, tu sais jouer aux échecs? Oui, j'ai presque battu papa la dernière fois. On fait une partie? Volontiers, mais l'échiquier. Harmonie en sortit un de son grand sac. Tu vois, il est aimanté. Pas de problème avec le vent. Bonne chance. L'après-midi se passa à paraisser au soleil. Jérémie, quant à lui, voyait avec le chef français ce qu'il pourrait concocter de meilleur. Monsieur Charles, la cinquantaine bien sonnée, avait une grosse moustache et pas un cheveu. Il avait aussi une voix de stentor qui résonnait au travers des cuisines. Sympathique, il était méticuleux dans son travail et imposait à sa brigade la même rigueur qu'à lui-même. Il roulait les R et son accent chantant ne voulait pas dire qu'il se laisserait convaincre facilement s'il en avait décidé autrement. Vous n'avez pas les idées sur les produits, cher monsieur. Il y en a pour tout le bateau. Voulez-vous voir ce que je vous propose? Je suis là pour cela, chef. Dites-moi tout. Antipasto, des bouchées croustillantes au saumon, des langoustines mayonnaise, du foie gras toasté, un carpaccio de Saint-Jacques et enfin des médaillons de langoustes. Moi qui n'ai rien avalé parce que j'étais en retard, vous me mettez l'eau à la bouche, chef. Qu'à cela ne tienne. Ludovico, cria-t-il, apporte-nous des blinis et du caviar. Sitôt demandé, sitôt apporté. Et pendant que ces messieurs se régalaient, le chef continuait à présenter son menu. Pour la suite, poularde de Bresse sauce crémeuse, filet de bœuf rossigny avec ses champignons et fagots d'asperges, cuisses de canard confites et ses légumes de saison, et osso buco avec sauté de légumes racines. Vous croyez que cela suffira? Demanda ironiquement Jérémie. C'est vous, cher monsieur, moi je fais avec ce que vous m'avez ramené. Mais ça me semble correct. Nous aurons ensuite le fromage, une salade et le trou normand avec sa glace. Et viendra le clou du spectacle. Je vous ai fait un schéma, dites-moi si cela vous convient. Une pièce montée de 4 étages, représentant l'île de Madère dans toute sa splendeur, avec ses fleurs en sucre, ses rochers en nougatine. L'eau bleue qui l'entourait était en sucre, et en son sommet une folie blanche en sucre filé, avec un couple de mariés à l'intérieur. C'est tout simplement splendide, chef. Je ne sais comment vous remercier. Vous avez un indicible talent. Si vous êtes content, alors je suis content, lui répondit monsieur Charles en lui serrant la main. Vous êtes invité, bien évidemment. Je vous remercie, mais il va falloir que je dirige toute cette troupe si je veux que ce mariage soit éblouissant. Je passerai prendre une coupe de champagne et féliciter la mariée. Merci infiniment. Jérémie se hâta ensuite pour voir ce que l'organisatrice du bateau avait préparé. Mademoiselle Ludmilla était une femme d'une quarantaine d'années très sophistiquée. Elle présenta à Jérémie les couleurs dont le salon des mariages serait décoré. Du blanc, de l'or et du vert tendre. Je partirai plutôt sur un thème printanier, léger, avec des ballons et des rubans de tulle et de satin. Les nappes seront vert tendre et les serviettes un ton plus soutenu. Je pense que c'est parfait. N'y connaissant rien, je vous laisse entièrement le choix. Votre goût me semble sûr, vous avez carte blanche. Oh, et pour les musiciens? J'ai pris connaissance de vos goûts musicaux à tous les deux, ce ne sera pas un problème. Ils se séparèrent satisfaits. Jérémie s'arrêta enfin à la bijouterie. Sa surprise était fin prête. Les alliances gravées, chacune comme l'avait désiré l'autre. Il en prit possession et se dirigea vers le bureau du commandant. Il leur fallait désormais régler la cérémonie. Heureusement que son frère s'occupait de celle sur l'île. Il se sentait déjà épuisé. Il croisa son fils et Harmonie. Que faites-vous ici? Cela, mon futur époux, ne te regarde en rien. Très bien, bande de cachottiers, je me sauve. La vendeuse de la bijouterie présenta la montre que celle-ci avait fait graver pour son futur mari. Pour le seul homme au monde que j'aime et que j'aimerai toujours. Parfait. Elle présenta sa carte de crédit, mais remarquant une magnifique chevalière, elle en fit également l'acquisition. Cette bague représentait la terre, avec un minuscule diamant en son centre. Est-il trop tard pour la faire graver? Demanda-t-elle. Non, madame, il faut juste que vous me donniez le texte et reveniez la chercher dans 2 heures. Ron, je vais te confier cette mission, tu veux bien? Certainement, avec plaisir. Tu la mettras ensuite dans la poche du costume que ton père portera ce soir. Sans problème, compte sur moi.